Thank you. Tu viens de Bohème, d'où viens-tu, gitan? Voilà, dès qu'on chante des gitans, les gens étaient raciste, raciste, raciste, raciste. Tu préfères.